Voilà, donc à l'instant, c'était Tunic, trio canadien qui nous vient de Winnipeg. C'était un extrait de leur troisième album en date depuis 2018. L'album s'appelle Wrong Dream. L'extrait que vous avez écouté s'appelle Empty Husk. Donc, démarrage lent, finish canon. Donc, c'est un groupe plutôt Plutôt noise. En fait, ils ont viré d'un punk noise sans concession à base de bombinettes d'une minute trente, 2 minutes à quelque chose de plus clair, plus précis, plus aéré, plus saillant. Ça matraque toujours, mais les compos sont plus longues, plus variées, plus mélodiques. C'est un excellent album, ce Wandering de Tunic. Donc on poursuit avec le premier album de la semaine qui est signé Oxbow, mythique quatuor de San Francisco, amené par le chanteur-boxeur Eugene Robinson qui a la particularité de finir ses concerts généralement en apogée. Et le guitariste et compositeur Nico Venner. Donc c'est sur Ipecac Records, c'est sorti. Le label de Mike Patton, c'est celui de leur album de 2017, Sin Bike Duke, album orchestral qu'on avait absolument adoré ici. Mais cet album-là tranche assez radicalement avec la discographie d'Oxbow, puisqu'il est moins radical, moins sale, moins complexe. Il y a moins de dérives noisy, moins d'expérimentation, mais beaucoup plus de ballades, beaucoup plus de refrains. Il y a des chœurs féminins, il y a des invités comme Linga Ignota. Donc, chœur féminin, quand je dis chœur féminin, c'est un chœur féminin à 15 voix quand même. Hein. On se rapproche pour beaucoup de morceaux de ce que peut faire parfois Nick Cave. Même si les deux premiers morceaux sont assez rock, assez tranchants. Voilà, c'est un album qui a fait couler beaucoup d'encre. Les fans de la première heure n'aiment pas forcément. Ceux qui aiment Oxbow et qui savent qu'ils changent tout le temps aiment bien. Voilà, on va écouter le morceau The Second Talk qui est le morceau Unto the Wo-Hours et vous vous ferez une idée par vous-même. Voilà, Oxbow, c'est parti. Reached around into the space between my pants and my shirt.

Voilà, à l'instant, l'excellent morceau 1000 Hours, donc second extrait, notre premier album de la semaine, le très beau Love's Holiday de Oxbow. Voilà, salut Nico. Salut Fabrice, retour en France avec le groupe Saffron Ice, un groupe qui nous vient de Saint-Étienne, qui vient de sortir leur second album qui s'appelle Smile Until It Hurts. Alors Saffron Ice, un quartet qui est emmené par la chanteuse Laetitia Fournet au chant. Laetitia Fournet, on l'a connue dans le projet Raymond Howard. Toujours entre power pop et punk, on va s'écouter l'extrait All I Want Is A Little Love From You, Saffron Ice. Away. time, 'cause we love playing cards, 'cause we love playing cards. C'est le groupe The Big ID, un groupe qui nous vient de La Rochelle et qui a enregistré cet album The Fabulous Expedition of Le Grand Vézig, enregistré sur un bateau entre La Rochelle et la Guadeloupe. Voilà, donc lors d'une expédition, donc étonnant projet. Et le morceau qu'on vient de s'écouter, c'était King Cabral. Et pourquoi j'avais passé ce morceau? Parce que je les ai vus au Mama Festival et ça a été un gros coup de cœur. Ils sont 6 sur scène, ce qui est assez rare, de plus en plus de voir des groupes avec 6 personnes sur scène maintenant. Et c'est arrivé même des fois qu'ils étaient à 4 guitares, et puis il y avait des marimbas, de la trompette, voilà, entre pop, psyché, un petit côté King Gizzard. Ils s'amusent bien, ces messieurs qui nous viennent de La Rochelle. The Big ID. Oui, très bien, mais on va poursuivre Danger qui n'a rien à voir, qui est un petit peu la disco, avec J.D.A.G. Quoique. Avec Jaida G, alias Jaida Guy, une Canadienne qui a sorti son deuxième album depuis 2019. L'album s'appelle Guy, comme son nom de famille. Donc, elle est plus connue dans la house que dans la disco, mais sur cet album, pour une disco fraîche, efficace, avec un petit supplément d'âme au-delà de la technique. Les morceaux sont assez dansants, les chants de plus en plus affirmés. Voilà, le tout entrecoupé, c'est quand même s'émotionne d'extraits sonores enregistrés par son père avant de mourir quand elle avait 10 ans. Voilà, c'est sorti chez Ninja Tune, c'est produit par le fameux Jack Peignat, connu dans les années 2000 pour lui aussi faire des choses un petit peu discoïdes. Voilà, le morceau qu'on va écouter s'appelle All I Want is a little love from you. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, Jaïda G, c'est parti. Oh, getting in. Tell me what to do. I've always listened to you. What is left to lose? Nothing left to lose. What is left to lose? Nothing left to lose. Jaydaji, vous avez pu écouter toujours genre un peu de disco de grands revenants, à savoir Everything But The Girls, mythique duo composé de la chanteuse et compositrice Tracy Thorn et du multi-instrumentiste et également compositeur Ben Watt. Il n'avait rien sorti depuis Temperamental 1999, donc imaginez-vous ça. Et donc là, ils sortent leur 11e album depuis 1984, l'album Fuse. Voilà, et rien n'a changé, ça n'a pas pris une ride, ni la voix de Tracy Thorn, ni cette musique à la fois disco-pop froide, élégante et nostalgique, dans laquelle, ben, par contraste, la voix chaude et le timbre particulier de Tracy Thorn ressortent particulièrement bien. Le morceau que vous avez écouté s'appelle « Nothing Left to Lose ». Voilà, on poursuit avec le second album de la semaine qui nous vient d'Angleterre, du Pays de Galles, plus précisément, puisqu'il est signé du duo Overmono. Ce sont des frères, Tom et Ed Russell. Ils viennent à la fois de la hard tech pour Ed, de la drum and bass pour Tom, et enfin, ensemble, ils font quelque chose qui ressemble à du post-dubstep, de l'electronica ou du Yuka Garage. Il y a des ambiances non-tempo, des morceaux sonorités afro en passant par des rêves 90 ou des choses à la coloration un peu IDM. Il y a une grosse influence warp là-dessus. Le tout est même si l'album est sorti chez XL Recording, un gros label aussi. Le tout est agrémenté de samples vocaux assez triturés. C'est pas rentre dedans, c'est assez atmosphérique et fiévreux. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Is You, le second s'appelle So I Know, qui est un peu de leur tube. Voilà. Over mon nom, c'est parti. You're next to me, hello me. You're touching me, your smile, hello me. You know to be, hello me. You're touching me, your smile, hello me. You're next to me. Thank you. Voilà, donc à l'instant, le morceau Soyuno, second extrait de notre second album de la semaine, signé Over Mono, donc l'album s'appelle Good Lies. De genre de musique qu'on peut écouter aussi au Bikini, qui fait des soirées club de temps en temps. Oui. Et voilà, les Bikini qui fêtent ses 40 ans, on a déjà un peu parlé cette année, récemment on avait parlé du concert de Blonde Red Dead qui aura lieu le 3 décembre. Et puis le prochain dont on va parler, c'est celui de Peter Doherty et Frédéric Lowe, qui ont sorti l'an dernier un excellent album qui s'appelle The Fantasy Life of Poetry and Crime, qu'on avait mis en album de la semaine. Et ces messieurs seront en concert ce vendredi 27 octobre au Bikini. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à y aller. On va s'écouter un extrait de cet album qui s'appelle The Epidemiologist, si c'est calé. C'est calé ? Allez, c'est parti. The best laid plans can oft go to fuckery. Run down B&Bs can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search, I lurch headlong into atrocities with an exponential no need to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos, hip hop, bebop, all blues and punk rock. Oh. Shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and lurch headlong into atrocities with a velocity known only to very few rational. Headlong into such atrocities with an exponential known only to epidemiology. Dashiell Hammond, Emile Lajar, Peter Lowry, and Humphrey Bogart, Jane Seabird, Daniel Dark, panic in the streets and panic in Needle Park. Oh yes, I search and I search, and I lurch headlong into atrocity with an exponential known only to very few ever. Y aura-t-il des violons ce vendredi 27 octobre du côté du Bikini pour le concert de Peter Doherty, Libertines, parce que je crois qu'ils se sont reformés, en tout cas on les avait vus en concert l'an dernier. Il me semble qu'ils vont sortir un nouvel album, les Libertines. Donc Peter Doherty qui maintenant vit du côté de la Normandie, c'est là où il a enregistré cet album The Fantasy Life of Poetry and Crime avec l'excellent Frédéric Lowe. Frédéric Lowe, on se souvient qu'il avait remis d'aplomb le Daniel Dark. Il a fait un peu la même chose avec Peter Doherty. Et donc, je vous invite à écouter cet album et à venir au bikini ce 27 octobre. Pour continuer dans le focus sur le bikini, on va parler de Deus. Et on a deux places à vous faire gagner pendant le morceau. Je vais vous donner le numéro de tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler de leur dernier album qui s'appelle Oh to Replace It. Et ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas sorti d'album. Bon, un album qui n'est pas à la hauteur des trois premiers, mais qui est un peu meilleur quand même que ceux qui étaient sortis en 2012 et 2011 de mémoire. Voilà, mais ça risque d'être un super concert et qui vont faire, je pense, d'anciens morceaux. Deo, ça reste un excellent groupe sur scène, un groupe belge. Oui, Deo a fait de super concerts. Alors, est-ce qu'ils sont capables d'en faire encore? Oui, je allez, pense, je pense. En tout cas, on a deux places à vous faire gagner, un par gagnant. Pendant qu'on va écouter le morceau Must Have Been You, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95. 05 61 53 36 95. Bonne chance, Deus. Like a widow, white noise in my headphones, had a taste of some homegrown. I didn't know the tables could turn either side. I didn't know the dangers of red in that sky. It must have passed. C'était les Belges de Deus avec leur dernier album sorti cette année qui s'appelle Oh to Replace It. C'était le morceau Must Have Been You. Ils seront en concert le 2 novembre au Bikini. Il reste encore une place à faire gagner. Je vous donne de suite le numéro, mais on va parler d'abord de Larkin Poe. Larkin Poe, ça, c'est deux sœurs qui nous font du blues. Et elles seront en concert le 6 novembre. Et on va s'écouter un extrait de leur album Self-Made Man, sorti en 2020. Le morceau Everybody Bird That Flies, Larkin Poe. Et pendant ce morceau, vous pouvez toujours appeler au 05 61 53 36 95, 05 61 53 36 95 pour gagner une place pour le concert de Deus. The only one that's hurting is the only one alive. You wonder if it's worth it. Been burned too many times. Lay down in the tall grass. Look up at the sky. Suddenly you're free as every bird that flies. Every bird that flies. Every bird that flies. Suddenly you're free as every bird that flies. That wicked call to barking. That's working on my dog. Coming out the darkness, mixing with the fog. The devil's in the tree line, full moon on the rise. And suddenly he's free as every bird that flies. Every bird that flies. Every bird that flies. Les sœurs Lovell forment le groupe Larkin Poe et elles seront en concert le lundi 6 novembre du côté du Bikini. Et donc bravo à Mathilde Cosy et Karine Lagré qui ont gagné des places pour le concert de Deus qui lui aura lieu le 2 novembre au Bikini. On va continuer sur les concerts. Le concert de Le Gros Tobrogoy qui lui aura lieu le 28 octobre au Taka pour sa release party de leur quatrième opus qui s'appelle Barbarisme. Et on va s'écouter le titre de l'herbe Le Gros Tobrogoy. We'll be right back. l'instant, c'était le gros Tobrogoy qui ont fêté la sortie de leur album Barbarisme ce 28 octobre du côté du Taquin. Allez, la suite, c'est Signal Faible. Lui, Signal Faible, il sort en concert le 24 novembre à la Grande Famille à Pincéguel. Et il va sortir son premier album sous ce nom. L'album s'appelle Nom de Domaine. Ça sort le 3 novembre chez Microculture Records. Alors, Signal Faible, c'est pas un inconnu. C'est Nicolas Falaise qu'on a connu dans le groupe Superflu. Et aussi Fontaine Wallace. Et sur le morceau Soustraction, que je vais passer de suite, on entend pas moins de 10 chanteuses et chanteurs comme Loni, Julien Orso, Gézincal, Julie Gaznier, Sylvain Vanneau, Bertrand Betch, Alexandre Delano, Julie Bonny, Gontard, Nel et Jérôme Castel. Et au piano aussi, il y a Adam Snyder de Mercury. C'est Signal Faible, Soustraction. Soustraction. Le monde moins un ce soir, je m'en vais, rideau, bonsoir. Soustraction, la foule moins un ce soir, je m'éclipse, je m'efface, bonsoir. Imagine-moi au ciel si tu veux, mais l'endroit que je préfère, c'est le coin de terre, mais moi où je dormirai tout à l'heure. C'est l'endroit le plus chaud, mon cœur. C'est l'endroit le plus doux. C'est l'endroit le plus chaud, mon cœur. C'est l'endroit le plus doux. Soustraction, nous tous, moins un. Je t'en prie, ne pleure pas. Est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure? Est-ce que je pleure? Imagine-moi au ciel si tu veux, mais l'endroit que je préfère, c'est le coin de ta mémoire où je dormirai tout à l'heure. C'est l'endroit le plus chaud, mon cœur. C'est l'endroit le plus doux. C'est l'endroit le plus chaud, mon cœur. C'est l'endroit le plus doux. Imagine-moi au ciel si tu veux, mais l'endroit que je préfère, c'est le coin de ta mémoire où je dormirai tout à l'heure. C'est l'endroit le plus chaud. Chaud mon cœur, c'est l'endroit le plus doux. C'est l'endroit le plus chaud mon cœur, c'est l'endroit le plus doux. Et par-dessus bord. La main dans le dos, la bascule du corps. tiens, tu me tiens. Vive les liens qu'on n'a pas choisis et qui blessent aux épaules. Bercé, malmené par le mythe de de la lyonnaise Claire Days avec le morceau Par-dessus bord, extrait d'un EP qui va sortir au mois de novembre qui s'appelle À l'ombre, son premier EP en français puisque auparavant elle a sorti deux EP en anglais et un album Emotional Territory en 2022 co-réalisé par Fink et c'était en anglais. Donc voilà, Claire Days, la suite c'est la reine Pidgey Harvey. Oui, c'est ça, la queen du Dorset, Pidgey Harvey, donc, qui a sorti son 10e album depuis les Seminal Dry de 1992. L'album s'appelle High Inside the Old Year Dying, et comme d'habitude avec cet inclassable artiste, ce n'est musicalement proche d'aucune de ses productions précédentes. C'est, même si c'est toujours produit avec ses vieux complices John Parrish et Flood. Voilà, au niveau musical, donc on est entre folk, rock, parfois dur sur certains morceaux, slowcore et expérimentation, hein, c'est très très dépouillé, c'est un suspense, c'est empli de passages un peu atmosphériques, très éloigné du couplet-refrain, il y a beaucoup, pas mal de fils de recording, genre une église, des rumeurs d'enfants, des instrumentations acoustiques, électriques, électroniques. Au niveau voix, ben, ça s'élève, ça s'affermit, ça s'éraille parfois, mais c'est toujours en retenue, ce qui crée toujours une espèce de tension sur chaque morceau. Voilà. Donc, et au niveau atmosphère, ben, c'est du surréalisme, c'est de la poésie, c'est du romantisme assez sombre, c'est magnifique, c'est sans doute un des plus beaux albums de l'année. Que j'ai écouté en tout cas. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Prayer at the Gate. Le second s'appelle All Souls. Pidgey Harvey, c'est parti. Ça conclura cette émission. Je vous dis à dans 15 jours. Thank you. this child who died the odium made the soldier appear. The ashen bar night and day as I had to get you free. Counts the ash to wear. Yeah.